Métamorphose. Un changement profond s'opère en Faustine, dès lors que l'amour prend le pas sur la peur. Son regard change. Julien n'est plus un malade, mais un enfant comme les autres, à la seule différence, de taille, que le chemin qu'ils parcourront ensemble sera limité. Elle décide de profiter au maximum de chaque instant de grâce, de plénitude qui leur est accordé. Cela lui est d'autant plus facile que Julien est un bébé intelligent, sensible et aimable. Il a son caractère et sait se faire comprendre quand il n'est pas d'accord. Il leur apprend à vivre l'instant présent. Avec lui, Faustine rit, chante, raconte des histoires auxquelles il répond, en bavard intarissable qu'il devient. Cette ambiance positive éloigne provisoirement la terrible épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête, ainsi que toute forme de morosité. Du moins pendant la journée. Faustine reste bien décidée à tout mettre en œuvre pour que le passage de son enfant sur cette terre soit le plus heureux et confortable possible. La seule chose que Julien ne semble pas supporter est d'être confronté à des enfants de son âge. Faustine comprend très vite que son bébé se rend compte de sa différence et qu'il en souffre. Jusqu'à quel point, se demande-t-elle parfois? Dans sa croyance toute personnelle, un bébé étant plus proche du monde spirituel que matériel, elle lui accorderait volontiers des capacités supranormales. Maxime, de son côté, est très heureux que sa femme ait relevé la tête et semble remonter de son séjour en enfer. Lui-même, pour fuir la souffrance, se noie dans son travail et s'évade dans la musique. Surtout ne pas penser, acceptant tous les contrats qu'on lui propose. Il s'épuise jour et nuit. Mais que faire? Confronté à une tragédie, chacun survit à sa manière. Faustine l'entend parfois pleurer au plus profond de la nuit. Mais elle n'arrive pas à le consoler. Trop brûlés, l'un comme l'autre, ils ne parlent jamais de leurs sentiments réels. Anaïs est revenue occuper sa chambre. Passé le premier choc, elle prend son petit frère sous son aile et seconde Faustine autant qu'elle le peut. En mai 1985, personne ne sait encore comment l'état du petit malade va évoluer. Tu dors? Non. Et toi? Non plus. Dis, si Julien devait mourir, je ne voudrais pas que ce soit en Amérique. Il n'en est pas question. Comment on va faire? Je vais en parler à Donald. On trouvera une solution. On peut imaginer que je m'installe dans les locaux de la société Prana, notre actuel représentant aux Ulysses, et que je gère les séminaires européens depuis là-bas. C'est où, les Ulysses, Prana? Au sud-ouest de Paris, du côté d'Orsay. C'est une zone industrielle, mais il y a des coins sympas dans les environs pour habiter. Saint-Rémy-les-Chevreuses, Gif-sur-Yvette, Chevreuse, Rambouillet, tout ça dans un périmètre de 30 bornes autour de Paris. On trouvera facilement à se loger. C'est une bonne idée. Tu lui parles quand? Je comptais le faire demain matin. Maintenant, dors. On n'aura pas trop de nos forces. Je vais avoir besoin de toi pour mettre en place une idée qu'on a eue avec Don. Je peux pas dormir. C'est quoi cette idée? Il s'agit d'équiper chacun de nos instructeurs d'une mallette contenant un échantillonnage du matériel que nous utilisons. Et je dois faire quoi là-dedans? Dans un premier temps, tu devras écrire à tous les fournisseurs des produits concernés afin qu'ils nous envoient des échantillons gratuits. C'est un énorme boulot. Non, pas tant que ça. Ils ne sont pas si nombreux. Et avec ce qu'ils enverront, je ferai quoi? Tu confectionneras des supports cartonnés qui regrouperont les échantillons du même type. Et, sous chaque échantillon, un fil de cuivre, un morceau de filtre, un petit bout de câble spécial, tu colleras un court descriptif. Et je ferai tenir ça comment? Avec une presse à chaud que nous allons louer. Sur le carton, tu fixes les échantillons, par-dessus tu poses un film plastique, tu descends le corps de chauffe qui soude le plastique au carton, et voilà le travail. Vu de loin, oui. Il y en aura beaucoup à faire. Une bonne vingtaine d'instructeurs, à raison de 25 planches chacun, ça représente 3 semaines à 1 mois de travail. Mais il n'y a que toi qui peux le faire, parce que la plupart des textes sont en français ou en allemand. Et je fais quoi de Julien pour l'instant? Soit on engage quelqu'un pour le garder, soit tu le prends avec toi. Bah, je suppose que ça dépendra du temps que j'y passerai chaque jour. Qui dépendra, lui, de notre rapatriement en France. Bon, maintenant, on dort. Bonne nuit, mon amour. Après un court délai de réflexion, Donald, le big boss, accepte que Maxime et sa femme regagnent la France définitivement. Il ne reste plus au couple qu'à s'organiser. Lorsqu'ils se rendent au Washington Memorial Hospital, dans le service dédié aux amyotrophies, ils apprennent à s'occuper correctement de Julien. On leur rappelle que la maladie consiste en une atrophie de certains neurones moteurs de la moelle épinière, que sa transmission est autosomique, par les chromosomes non sexuels, et récessive, les deux parents sont nécessairement porteurs du gène. Il y avait une probabilité sur 100 000 que deux parents porteurs se rencontrent, puis, et à partir de là, une possibilité sur 4 que leur bébé soit atteint. Les enfants atteints d'amyotrophie spinale infantile sévère sont spéciaux. Leur système nerveux moteur est touché, mais pas leur sensibilité. Ils ressentent le chaud, le froid, la douceur, les caresses, la douleur. Il n'y a pas de souffrance physique directement liée à leur maladie. Malgré la courte espérance de vie, leur existence peut être remplie de joie et de bonheur. Ces bébés ont besoin d'une bonne qualité de vie et de tout ce qui peut leur apporter du confort et du réconfort. Une fois que les techniques nécessaires pour s'occuper d'eux sont maîtrisées, la vie au jour le jour peut paraître presque normale. Ces techniques vont de la kinésithérapie motrice à un apport d'oxygène au moyen d'un aérosol, en passant par la kinésithérapie respiratoire et l'hydrothérapie. Le moment venu, la kinésithérapie respiratoire sera très importante pour aider Julien à tousser et réduire les risques d'infection. Avec un peu de chance, vous pourrez rentrer en France en juillet avec votre bébé, déclare le médecin à la fin de la visite. Comment ça? À Charlottesville, en avril, les médecins lui donnaient 2 ans d'espérance de vie. Et là, vous n'êtes même pas sûr qu'il vive encore en juillet? Faustine est dévastée. Je comprends votre désarroi, madame. Ce qu'ils vous ont indiqué à Charlottesville, c'est seulement une moyenne. Malheureusement, dans la réalité, il est rare que ces enfants dépassent 7 ou 8 mois. Et là, franchement, je n'aime pas sa couleur. Le couple est sidéré par la violence du propos. Cela change tout. Cette fois, ils savent qu'ils doivent respecter les délais, coûte que coûte. Après leur visite à l'hôpital de Washington, Faustine se met en quête d'une aide à domicile. Actuellement, elle passe 8 heures par jour à nourrir Julien. Cela ne la dispense pas de l'entretien de la maison, de la cuisine, des lessives, des courses, sitôt que Maxime rentre et prend la relève. Cela ne lui permet pas non plus de libérer du temps pour aller travailler au bureau. Les services sociaux de Warrenton, mandatés par le pédiatre, tentent de répondre à sa demande. Ils envoient plusieurs personnes. La première aide à domicile est une jeune femme bien sous tout rapport qui, apprenant la terrible maladie, se met à pleurer sans discontinuer. Faustine lui prépare une tasse de thé et la console durant plusieurs heures avant de déclarer forfait. Impossible de travailler dans ces conditions. Inutile de revenir. La deuxième se pointe avec 2 heures de retard. Elle accepte volontiers une tasse de thé, mais ne fait pas mine de se lever pour apprendre les rudiments du travail requis. Elle bavarde inlassablement pendant que Faustine s'agite dans tous les sens, accomplissant 50 tâches simultanément tout en s'occupant de Julien. Pour finalement s'entendre dire « Ah, oh, qu'est-ce que vous êtes bien organisé, vous? Oh là là! Finalement, c'est pas plus mal que ça vous arrive à vous. Je sais pas comment une autre aurait fait pour s'en sortir. » La troisième enfant est une jeune femme en instance de mariage, dénuée de tout sens pratique. Traumatisée dans sa petite enfance, Faustine ne saura jamais de quoi, elle adore les enfants, mais ils lui font peur. La visiteuse accepte très volontiers tout le matériel de cuisine dont Faustine veut se débarrasser, mais il ne faut pas compter sur elle pour le ménage ou les soins à Julien. Ayant rempli le coffre de sa voiture, elle remercie chaleureusement et ne réapparaît plus. Faustine décide donc de se débrouiller seule. Dans un premier temps, menait à bien la tâche consistant à équiper les instructeurs des fameuses mallettes d'échantillons. À côté des bureaux, il y a un appontis dans lequel les ingénieurs ont placé la machine à souder. Ils ont également prévu une grande table sur laquelle les plaquettes peuvent sécher à l'abri. Faustine prépare ses cartons à la maison. Elle colle les descriptifs et les échantillons sur les supports d'une main, tout en nourrissant Julien de l'autre. Les jours où il fait beau, elle installe son fils au soleil devant l'appontis. Elle laisse la porte ouverte, ainsi elle est moins incommodée par les vapeurs toxiques des colles et des solvants. Julien, dans son baby relax, ne la quitte pas des yeux. Il babille à longueur de journée, dans son langage à lui. Et Faustine lui répond. Il est vraiment trognon dans sa salopette blanche et ressemble à un lutin malicieux avec sa petite casquette de travers. De temps en temps, Faustine l'emmène pour une courte promenade. En moins de 3 semaines, le travail est terminé. Mission accomplie. Le dernier dimanche de mai, c'est la fête des mères aux USA, comme en France. Quand Faustine téléphone en Suisse, elle s'entend répliquer qu'elle a 15 jours de retard. Ici, on fête les mères le second dimanche de mai, qu'on se le dise. Papa prend ensuite le relais et demande expressément qu'il ne leur envoie plus de photos de Julien. Même si on ne décèle sur les images aucun signe de maladie, maman ne supporte pas de le voir. Ça la déprime. Faustine encaisse. De victime, elle devient bourreau, avec un obscur sentiment d'anormalité. Allons, elle ne peut plus se permettre de déprimer. Pour l'heure, il faut répondre au sourire dévastateur de Julien, suivre le guide sur les chemins de la vie et de l'amour inconditionnel.